Chapitre 4e, causerie. Le lendemain matin, Dussonville faisait demander à Mademoiselle de Pelwer la permission de se présenter devant elle et devant sa tante. Il fut reçu dans la cabine de ces dames et se présenta avec toute l'aisance d'un homme du monde et la politesse raffinée d'un galant homme. Mademoiselle de Pelwer éprouva une très grande émotion qu'elle parvint à dissimuler. Dussonville remercia vivement la jeune fille de l'élan généreux qu'elle avait eu. Puis il lui dit très doucement, « J'ai un très grave conseil à vous donner, et cependant vous ne me connaissez qu'à peine. Je vous demande la permission de me présenter moi-même. Je suis le capitaine Dussonville, gentilhomme basque, naturalisé australien. Voici des pièces, des lettres, qui vous donneront, je l'espère, bonne idée de moi. Ceci, dans l'espérance que vous voudrez bien me croire, quand je vous dirai qu'il arrivera malheur ou fatalement à ce navire, avant qu'il ait terminé son voyage. Nous arriverons demain à Cotonou, un port français du Dahomey. Je vous en supplie, faites-vous débarquer là, avec vos bagages, et prenez le paquebot suivant. Cela vous coûtera quelque peu d'argent, mais je vous jure que vous ne le regretterez pas. Monsieur, dit vivement Mademoiselle de Pelwer, j'ai pris en horreur tout ce monde anglais qui est à bord. Du reste, la vie serait très pénible pour nous ici. Ma tante l'a compris comme moi, et nous étions décidés à débarquer au premier port de relâche. C'est Cotonou. Ma tante va déclarer au capitaine notre volonté d'y être mise à terre. Comme il n'y aura pas d'autre paquebot avant moi, et comme Cotonou n'est qu'un misérable trou, je me permets de vous conseiller de gagner Porto Novo, ville française où vous pourrez trouver un certain confortable et où j'offre de vous faire installer convenablement. Merci, monsieur, de cette offre que nous acceptons avec reconnaissance. Mais dites-moi, n'allez-vous pas faire un procès au capitaine ? Mademoiselle, le malheur que je prévois le punira suffisamment. Mais de quelle nature est-il donc ce malheur ? Je suis certain que le navire fera naufrage, c'est inévitable. Vous êtes marin, vous prévoyez une tempête. Je suis certain d'un naufrage. Mais je vous en prie, mesdames, pas un mot de cette prédiction. On se moquerait de vous et l'on ne vous croirait pas. D'un air sombre, cependant la catastrophe sera peut-être terrible. Il se leva pour se retirer. Mademoiselle de Pelwer le retint un moment et lui dit « Monsieur, vous me croyez peut-être protestante, mais je suis catholique comme vous. Et je me repens beaucoup de m'être laissé prendre au beau raisonnement de ces dames anglaises qui m'ont entraîné à faire la prière avec elles. Mademoiselle, ne vous y trompez pas. Je suis simplement déiste et je ne suis l'adversaire d'aucune religion honnêtement pratiquée. Je suis prêt à défendre le libre exercice de tous les cultes, mais j'ai en exécration toutes les tyrannies religieuses. » Il salua, laissant sur la table les lettres qu'il avait apportées. Mademoiselle de Pelwer ne songea pas d'abord à les lire, mais il n'en fut pas ainsi de sa respectable tante. Celle-ci se mit à parcourir cette correspondance avec une curiosité toute féminine. Dès la première lettre, qui était du consul de France à Sydney, elle s'écria « Mais il les compte !»« Quoi ?» s'écria Mademoiselle de Pelwer, sortant d'une rêverie profonde. « Vous lisez ces pièces, ma tante? Quelle indiscrétion! Ma chère enfant, nous allons forcément entrer en relation avec ce gentleman, je veux dire ce gentilhomme, et il a compris que ces lettres constitueraient pour nous des références indispensables. Je suis responsable de vous. Mon devoir est de lire cette correspondance, et M. Dussonville l'a si bien compris qu'il nous l'a apportée. » Miss Morton continua sa lecture, et tout à coup elle s'écria. Le consul de France lui annonce qu'il vient de gagner près de 200 000 francs dans une spéculation sur des terrains. Il fallait donc que le comte eût engagé beaucoup de fonds dans une affaire donnant un si gros bénéfice. « Monsieur Dussonville est très riche, ma chère enfant. Peu importe. » Ce n'était pas l'avis de la tante. « Ma chère petite, avoir de la fortune, cela ne gâte pas une position, tout au contraire. » Mademoiselle de Pelwer répliqua « La fortune ne fait pas toujours le bonheur, ma tante. » Elle se décida à lire quelques-unes des lettres que Mrs. Morton lui tendait. Elle conclut. D'après ce que je vois, le comte Dussonville serait d'origine basque et français de naissance. C'est une raison de plus pour qu'il ait nos sympathies. La cloche du déjeuner sonna. Ma tante, dit Mademoiselle de Pelwer, nous n'avons plus que 2 ou 3 repas à faire à bord. Il ne me paraît pas convenable de nous asseoir à table avec des gens qui se sont si mal conduits hier. Veuillez prévenir le maître d'hôtel que je déjeunerai et dînerai désormais dans ma cabine avec vous. » Miss Morton dit. « Mon Dieu, que d'ennui cette affaire nous cause !» Mais n'en alla pas moins prévenir le maître d'hôtel. Dans l'après-midi, Dussonville va reprendre ses lettres et cherche la réponse de ces dames à propos de leur installation à Porto-Novo. « Nous sommes absolument décidés, » déclara Mademoiselle de Pelwer. « Nous avons pleine confiance en votre appui. » Dussonville remercia, mais il conseilla, pour éviter tout commentaire, de déclarer votre résolution qu'en vue de Cotonou. « C'était mon intention, » dit judicieusement Mrs. Morton. Dussonville reprit alors. « Et maintenant, mesdames, je vous dois quelques explications. Permettez-moi de vous les donner. » Je dois vous dire, sans entrer dans les détails, que je veux entreprendre en Australie un grand travail, jugé jusqu'ici impossible par tout le monde. Il me faut pour cela des bras solides et des cœurs dévoués. En un mot, j'ai besoin de travailleurs soumis et d'une garde pour assurer leur soumission. Je recruterai des esclaves au Congo, les sauvant de la marmite de leur maître anthropophage, ce qui m'assurera leur reconnaissance, d'autant qu'ils seront bien nourris et très bien traités. Quant à ma garde, je vais la former avec d'anciennes amazones de Béanza. Oh, quelle idée ! S'écria Mrs. Morton. Idée pratique, protesta Dussonville. Depuis la conquête, les amazones ont été licenciées. Autrefois, en temps de paix, elles chassaient l'éléphant pour le compte du roi. Aujourd'hui, elles le chassent pour elles-mêmes, menant une vie très précaire et très dure. Tout compte fait, il m'en faut 50 et je les trouverai facilement. Elles étaient commandées autrefois par deux Cabaceres, des généraux très renommés, très respectés, Takidata et Takinadu, deux sœurs qui peuvent avoir aujourd'hui 45 ans. Elles vivent pauvrement de leur chasse et des maigres libéralités du roi de Porto-Novo. Elles ont accepté les ouvertures que je leur ai fait faire et reçu des avances de solde avec les fonds nécessaires pour lever leur compagnie qui m'attend en continuant à chasser l'éléphant. J'armerai mes amazones du fameux fusil américain qui tire 50 coups à la minute et de revolvers à 4 révoluteurs qui tirent 24 coups de suite. Je serai sûr avec cette garde de maîtriser une centaine d'esclaves. J'emporterai du reste des mitrailleuses Maxim et des obusiers revolvers pour défendre un fort que je veux élever au bord de la mer. Mes obusiers ont une portée extraordinaire et les projectiles chargés avec une romurite d'une puissance inconnue jusqu'ici produisent des effets prodigieux. Comme j'ai dépensé du temps avant que passe le paquebot qui me conduira au Sénégal où je dois retourner avec ma garde, je compte me distraire en faisant avec mes amazones des grandes chasses aux éléphants. L'ivoire me remboursera mes premiers frais. « Quel bonheur ! » s'écria Mademoiselle de Pelwer. « Des grandes chasses, mon rêve !» Et tout à coup, « Si vous saviez, monsieur, combien l'ennui me dévore, me ronge, me tue !» Je me morfondais à Maurice. Les médecins ont conseillé le voyage de Londres et de Paris. J'en reviens aussi, et même plus ennuyé qu'auparavant. Mais je me sens tout heureuse à l'idée de vivre en plein air avec ces amazones à la poursuite des éléphants. « C'est trop dangereux, mademoiselle. Tant mieux. Le danger m'attire, me fascine, m'enivre, m'éblouit. Ah, si j'étais un homme, je ferais parler de moi. Songez, monsieur, que nous descendons de Duguay-Trouin et que Surcouf était cousin de mon grand-père maternel. Quand on a ce sang-là dans les veines, on n'est pas faite pour mener dans une plantation la vie paresseuse d'une créole. » Mrs. Morton protesta. « Y pensez-vous, Louise ? » fit-elle. « Chasser l'éléphant ? » ?»« Comme une amazone. » « Enfin, je m'amuserai donc une fois dans ma vie. Je me sens née pour être la femme d'un explorateur et le suivre partout. »« Mademoiselle, » dit Dussonville, « il faudra au moins savoir tirer. »« Mais, monsieur, on chasse à Maurice. On ne chasse malheureusement que du gibier absolument inoffensif. C'était ma grande distraction. Et vous êtes à droite. Monsieur, je m'amuse à tirer à balle franche sur des mouettes et sur des goélands. Et vous touchiez toujours. Ma balle coupe le cou de l'oiseau au ras du corps. » « Alors vous tirez mieux que moi et je passe pour avoir peu de rivaux. » Elle parut enchantée de l'éloge. « Ainsi, s'écria-t-elle, je vais donc chasser l'éléphant, puisque vous le voulez. Puisque je lis dans vos yeux que vous en mourrez d'envie. Il y a des vocations irrésistibles et l'on a vu Madame de la Foy et Madame Agassiz entreprendre des voyages d'exploration très lointains, très dangereux, à la suite de leur mari, à travers des régions où le péril était de toutes les heures. Madame Ida Pfeiffer a fait le tour du monde seule. J'aime encore mieux que vous chassiez l'éléphant avec moi. Ayant pour compagne la capitaine des Amazones et sa sœur, femme d'une bravoure et d'une expérience consommée, que de vous voir entreprendre quelques longs voyages avec Mrs. Morton, qui est une dame d'une grande respectabilité, mais qui ne passerait pas, je crois, à 30 pas Une balle dans l'œil d'un éléphant la chargeant ou vous chargeant. Avec les deux taki pour guide, vous serez en bonne main et vous pourrez abattre des portivoires avec chance de vous en tirer des mauvais pas. Dans sa joie, elle lui saisit les mains en s'écriant « Quelle heureuse chance pour moi de vous avoir rencontré. J'aurais voulu être fille, femme ou sœur d'un explorateur. Ou nièce, dit en souriant Dussonville, nièce. Ne faut-il pas justifier votre présence près de moi ? Je sollicite donc l'honneur d'être adopté comme oncle par vous. » Mrs. Morton se crut au comble de ses vœux et rougit de plaisir. « Il veut être mon oncle par alliance, » pensa-t-elle aussitôt. Il prit une attitude de circonstance, pleine de réserve et de dignité, non pourtant sans qu'elle minaudât de façon à être ridicule. Quant à Mademoiselle de Pellouère, elle se mit à battre des mains et à sautiller. « Un oncle ! » s'écria-t-elle. « Un oncle qui me fera tuer des lions, des rhinocéros, des panthères, des crocodiles, des éléphants ?» Voilà le rêve de ma vie réalisé. Puis fièrement, vous pouvez m'adopter sans crainte car je me sens brave. Je veux que vous soyez très fière de votre nièce. Elle lui sauta au cou par un élan subit et l'embrassa. Voilà, dit-elle, le pacte d'adoption scellé entre nous. Il avait pâli sous ses démonstrations de joie débordante, mais il fit bonne contenance devant cette chaleureuse pétulance. Il dit doucement, mesdames, faites donc vos petits préparatifs. Demain, nous serons en vue de Cotonou sur le wharf duquel le vapeur doit déposer des marchandises pour les factories anglaises de Porto Novo, dont Cotonou est le port. Mrs. Morton n'a que des ordres à donner et non des explications. Elle ira droit au capitaine et elle lui dira « Je vous prie de faire mettre mes malles et celles de ma nièce sur le wharf. Nous voulons débarquer. Je doute qu'il fasse la moindre objection. Très bien, cher monsieur, je suis à votre conseil. » Dussonville salua et se retira.